CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui est Assemblage requis. Stéphanie Paradis sera là pour nous aider à lire le plus récent numéro du journal Zone Campus. On accueillera deux nouvelles chroniqueuses, Ingrid Arneberg et sa chronique périnatalité, et Lily Brunet-Saint-Pierre et sa chronique d'humeur, l'aplomb dans la tête. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en direct en ce mercredi 18 septembre 2013. Oui, oui, en direct. Moi, c'est Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau est en train de brasser la grosse business sur son téléphone à poche. Je s'en viens dans quelques minutes, c'est certain. Aujourd'hui à l'émission, on a Stéphanie Paradis qui va être avec nous à 8h pour sa chronique Zone Campus. On va survoler le plus récent numéro, c'est le deuxième de la session d'automne. Donc, ça va être fascinant à 8h. Ensuite de ça, à 8h30, nouvelle chroniqueuse Lily Brunet-Saint-Pierre. Et sa chronique l'aplomb dans la tête, elle qui fait une chronique dans le Zone Campus aussi. Mais elle va venir discuter de ça avec nous. Donc ça veut dire que d'ici 8h30, il faut que j'ai lu sa chronique. Ça s'en vient, je vais faire ça entre deux affaires. Sinon, à la fin de l'émission, on va faire 5 minutes, ça devrait répondre là. À 9h, ça c'est la chronique de Gadget complètement ridicule et inutile. Mais on va débuter ça dans quelques minutes avec Ingrid Arneberg à 7h30. Bonjour à toi. Bonjour. Ça va? Oui. Oui. Encore une autre nouvelle chroniqueuse. Cette année, on s'est gâté sur la nouveauté. Mais ça fait longtemps qu'on te parlait de ça. Oui, effectivement. Et tu me disais, Caroline, oui, ça m'intéresse. Oui, un jour, je vais pouvoir le faire. Et là, c'est le moment. Effectivement. Ça va enfin être sur le campus. Enfin disponible pour nous. Partout dans les bons magasins. Donc, on va commencer l'émission d'aujourd'hui avec une chanson de Mimi Van Der Glo. Vous commencez à l'aimer, j'en suis certain. C'est leur extrême, mais c'est dans ta pipe. Classique instantané des palmarès, Mimi Van Der Glo. Sur ses filles. Thank you. Ça commence très bien l'émission. Moi, je vais la laisser aller en fond. Tu fais un très beau fond. Ah oui. C'est Jean-Philippe, t'es là? Ça va? Je vais le baisser pour vrai, par contre. Mais non, c'est ça, c'est que les prises USB sur l'ordinateur, oui, sont très, très sensibles. Ah oui, ils sont tight. Oui, non, sont en fait lousses, dans le sens que aussi que tu le bouges un petit peu, ça marche plus. Donc, en branchant une deuxième affaire, ça fait que ma clé a s'est débranchée puis mes thèmes sont sans clé. C'est le fun? Ah, ben écoute, ça arrive une fois de temps en temps. On salue Simon. Simon Fitzbé, ça lui est arrivé il y a quelques années, mais moi, ça m'était, je crois, jamais arrivé. Mm-hmm. Quand même une première à tout. Mais non, mais c'est parce que ça. Bon, en tout cas, je le salue. Je le taquine parce qu'il m'a dit cet été, hey, c'est la première fois que ça m'arrive depuis genre 10 ans, c'est je ça. Pense. Puis j'ai dit, ah ben écoute, ça arrive tout le temps, une fois de temps en temps, une fois aux 10 ans, fait que nous, ça sera fait. C'est ça. 10 ans. On en a pour 10 ans. On est parti pour un bon bout. Je mets une alarme. Dans 10 ans, exactement. Tu penses? En 2023. Ah, mais oui, c'est ça. Ça arrive à tout le monde et c'est comme des blagues de quand tu. Le sexe, hein, quand t'arrives pas, hein, mm-hmm. Parce que tu perds ton. Puis là, c'est gênant. Puis là, tu as un petit malaise. Mais écoute, on se reprend demain. Ouais. Fait que coupe ça. Je sais pas comment l'amener. Mais bon. Donc, oui, toujours en direct, là où le montage n'est pas possible. Non. Dans cette partie de l'émission, du tout. Et on reçoit, parlant de nouveautés de première fois en 10 ans, c'est Ingrid Arneberg. Bonjour officiellement. Salut! Ça va toujours depuis tantôt? Toujours très bien. Oui. Et on parlait de ton nom juste avant que l'émission commence. Arneberg. Oui. Mais c'est pas prononcé comme ça en Norvège, n'est-ce pas? Non. C'est comment? Ingrid Arneberg. Il va falloir que tu me répètes ça sans fond, là. Ingrid Arneberg. Je te broche. Mathieu, à toi. Angry Birds. C'est pas oui, pire. C'est proche. C'est proche. Angry Birds Space, excuse-moi. Ouais. Donc, Ingrid, qu'on est très heureux d'avoir pour une chronique sur la périnatalité. Et pour commencer, je pense qu'il faudrait faire un peu comme j'ai fait quand j'ai cherché le mot périnatalité sur Wikipédia, me définir ce qu'est la périnatalité, n'est-ce pas? La périnatalité, ça englobe de la grossesse jusqu'à un bébé 0-2 ans à peu près. OK. Donc, ouais. C'est quand même une tranche spécifique de la vie. Là, oui, c'est... oui, oui. Puis ça implique nécessairement un bébé. Là. OK. Oui. Ça prend un enfant en bas âge. Puis c'est le début de la grossesse, du moment qu'on est enceinte ou même en processus de, par exemple, les cliniques de fertilité et tout, on parle de périnatalité encore une fois. OK. Quand même intéressant. Et ta collègue va porter là-dessus. Est-ce que tu. Quel territoire vas-tu ratisser dans ta chronique, disons Proche de la pratique sage-femme, hein, parce okay. que je suis étudiante en pratique sage-femme. Encore aujourd'hui. Oh, oui, oui, oui, encore. Parce c'est que 4 ans. Tu étais à connaître ensemble les années passées. Il y a 2 ans. C'est ça. Ouais. Et on t'avait pas vu, on t'avait pas entendu à la radio depuis. Mais je suis partie en stage. Tu es encore là. C'est ça, les stages prennent des fameux stages, oui. Oui. Oui. Et donc, tu vas parler d'un sujet différent par chronique oui. À chaque semaine? Oui, oui, oui. Puis je vais essayer d'être d'actualité puis des questions qui vont être d'intérêt général, pas trop spécifiques. Les professionnels de la santé, par exemple. T'sais, je parle pas juste de la sage-femme. Ça va être complémentaire à Connaître Ensemble, qui, oui. elle, est vraiment centrée sur seulement sage-femme. Oh mon Dieu, oui. Oh mon Dieu, oui. Oh mon Dieu, oui. Mais il parle beaucoup de la périnatalité qu'on a, oui. là, parce qu'à un moment donné, la pratique sage-femme, tu tournes en rond. Mm-hmm. Fait que, non, ça va être complémentaire, mais ça va être plus d'actualité par an. C'est des trucs un peu intéressants. Là. Oui, oui. Un peu magazine de service ce matin pour oui. moi. J'aime ça, c'est le fun. Donc, ton premier sujet sera évidemment passionnant. Oui. Et je veux savoir ce que ça va être. C'est les professionnels de la santé qui œuvrent en périnatalité. D'accord. Fait que, bref, quand tu es un parent ou tu es une femme enceinte, parce que, bon, parent, papa aussi, hein, et qui tu vas croiser sur ta route en périnatalité? C'est qui les professionnels que tu vas croiser, qui tu vas rencontrer? À qui tu vas envoyer la main. Ouais. Ouais. Ou que tu vas demander bien des conseils, parce oui. que c'est genre. Ton premier. Et poser mille et une questions, oui. puis être angoissé, puis ah! Ouais. Voilà. Qui j'appelle à 3h du matin? Maman! Tu commences par maman. T'appelles maman. T'appelles maman. C'est fini! D'accord, donc allons-y. OK. Bon, c'est ouais. comme ça qu'on rentre. Là, j'ai pas de musique. Hein, non, si ça pas d'intro, mais on peut t'en chanter une si tu veux, par exemple. On est bien bon pour chanter des thèmes. Mettons, OK. Oh, baby, baby. Non, ça a déjà été fait, je pense. Baby, c'est Justin Bieber. Pou! Parce qu'il est sorti. Pou! Lui, fou! Ça fait plus. Oui. C'est comme un décapsulage de bébé. Oui. J'aime ça. Je baisse la trame. Sors l'ouvre, baby. Je baisse la trame. Je baisse la trame. Et je monte la trame. Oui. Tu remontes la trame. Tu vois, ça ressemble à ça l'émission, fait que désolé. Non, mais ça fait très professionnel. Tu vois, qu'au maire, on n'avait pas de fond comme ça musical non. pendant les Ça fait une différence. Oui, vous n'avez pas chanté vos propres intros, c'est non. surprenant quand même, mais tu sais, comme si tu le fais. Non, on était quand même là-dessus, on était. top notch, mais là. Ça accoche. Ça accoche, oui, c'est vrai. Tight. Francophone. D'accord. Ouais. Donc, qui tu croises en périnatalité quand t'es enceinte? Mettons. Ben, t'as-tu des enfants? Non. Non? OK, OK. Non, moi non plus. Non, mais on peut s'essayer. On peut essayer. Oui, live en studio. Si ça te tente. Oui, What? Ah, Mathieu, c'était beau, ça. D'ici 9 mois à la fin de la session. Oui. Oh my God. Non, mais on peut s'essayer de savoir qui on croise. On pourrait y aller. Moi, j'irais tout de suite avec le gynécologue. Oui, gynécologue. Ouais. Ouais. Ouais. Qui d'autre? Un pédiatre. Ouais. Oui, pas pas dire sage-femme. Oui, oui, merci. Oui, on aurait dû commencer par ça. OK, donc si tu fais sur la rue Tabaga, près du boulevard Issel, oui. T'as l'animateur de télé sympathique. Oui. T'as. Non, c'était les paroles. Je me suis pas souvenu. Non, plus. C'est pas ça. Non, mais c'est très bon ce que tu dis, en fait. C'est vraiment excellent. La première personne souvent qu'on croit, c'est l'infirmière. OK. Au CLSC, pensez au triage, les trucs comme ça. Qu'est-ce qu'elle. L'infirmière, on va la croiser aussi dans les cliniques de vaccination. Donc, vraiment, l'infirmière, c'est de première ligne et c'est une des premières professionnelles qu'on croise. Elle va faire le suivi de grossesse. Tu sais, les super infirmières, là, mm-hmm. de leur vrai titre, infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne. Waouh! Les SPTV, Ouais, les IPSSL. Les IPSO. Ben, oui, ben, les super infirmières. Bref, elle va faire le suivi jusqu'à 32 semaines. Et elle peut faire le suivi du bébé et de la maman en post-natal. Les infirmières praticiennes sont là pour désengorger dans certaines régions, surtout, là, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, mais les médecins de famille. Mm-hmm. Non, parce qu'elles peuvent prescrire et tout, là, ça prend au moins une maîtrise. Et voilà. Sinon, tu as le médecin de famille accoucheur, qui est également. Un médecin de famille, tous les médecins de famille ne sont pas accoucheurs, et il y a des médecins de famille qui ne font que des accouchements, okay. et il y a des médecins de famille qui font clientèle et accouchement. Donc, se renseigner auprès de son médecin de famille s'il fait les suivis de grossesse et s'il fait les accouchements. Parce qu'il y en a qui font des suivis de grossesse, mais qui ne font pas l'accouchement. OK. Donc, il y a le médecin de famille. Lui, c'est la grossesse sans complications. S'il y a une grossesse à risque élevé, il va consulter, travailler conjointement ou transférer le dossier okay. à un gynécologue qui est de la deuxième ligne. Première ligne, le médecin de famille. Il va faire les accouchements à l'hôpital, il va faire un accouchement vaginal sans complications et il va faire l'anesthésie péridurale aussi. Il peut faire un accouchement sous anesthésie péridurale. Ouais. Ça, c'est... tu sens absolument rien quand t'écoutes. C'est pas vrai. Non, je sais pas. Je pars de très loin, moi, là. C'est ça toi. Dans les films. Dans les... Oui, il dans les films, c'est paf, les autres ont... Tu sais, tu perds les autres, tu cours à l'hôpital. C'est tellement pas ça, la réalité. C'est 10% des femmes qui perdent leurs os avant d'accoucher, dans le fond, qui commencent leur travail, leur accouchement avec une perte des os. C'est 10%. Okay. Dans les films, c'est 100%. Ouais, oui. Dans Bible, oui, c'est Moïse qui vient séparer les autres. Oh mon Dieu! Moi, oh, attends, on ne l'a jamais fait. Non! OK. 7h45. Oui, merci. Oui, oui, bon. OK. Non, mais vraiment, c'est pas ça la réalité. Là. Puis un accouchement, ça fait mal. Même ta péridurale, ils attendent souvent que tu sois dilaté jusqu'à 3 cm minimum, 3-4 cm. Fait que tu vas avoir mal. Tu sais, c'est. Ça te garantit pas ça. Puis la péri, elle peut marcher, elle peut ne pas marcher. Ah! Ça t'en rien sentir, puis là, tout à coup, ben, tu sens tout. Non, mais puis de toute façon, ils font jamais la péridurale pour que tu sentes rien. Tu vas sentir un inconfort, mais ça va être tolérable. Oui. Parce que sinon, si tu sens rien, c'est que t'es trop gelé, puis à la poussée, tu pourras rien faire, puis tout. Puis c'est pas bon non plus pour, tu sais... pas pour le bébé, mais il y a des conséquences à ça. T'es mieux de sentir un petit quelque chose, un petit inconfort. Ouais. Mais fait que finalement, tu sens toujours un petit peu quelque chose. OK. Péridurale, parenthèse fermée. C'est bon, ça va. Et ils font les médecins de famille. Ils font les suivis gynécologiques après aussi, avec la maman. Puis on va faire le suivi de la mère et du bébé tout au long de sa vie après la naissance. Fait que ça, c'est le fun. Mais ça, il faut que ce soit un médecin de famille qui n'a pas trop une grosse charge. Mmh. Ou jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. Et genre, oui, mon médecin de famille aussi, elle prend sa retraite, je suis paniquée. Ouais. Oh non. Je l'aime tellement. Docteur Morin. Ah, on la salue. Tu dois. Il y a les sages-femmes. Mmh. Les sages-femmes font les accouchements naturels, donc pas de péridurale. Si vous voulez une péridurale, il faut transférer avec un médecin. Et les sages-femmes, on va offrir les trois lieux. C'est la seule professionnelle qui offre les trois lieux, c'est-à-dire l'hôpital. Mais beaucoup la maison de naissance ou le domicile des parents. Donc voilà. Puis elle va faire le suivi de la grossesse jusqu'à 6 semaines après la naissance du bébé. Maman et bébé dans ces cas-là. Après, il faut que tu trouves un autre professionnel. La, quand tu parles de ces maisons de naissance, oui. Ça, c'est quoi exactement? C'est une maison qui est aménagée. C'est qui s'occupe de ça? C'est des sages-femmes. C'est des équipes okay. de sages-femmes. Il y a une sage-femme responsable plus l'équipe de sages-femmes. Ça va varier entre 6 et 10, mm-hmm. à peu près, sages-femmes. Et tu as une secrétaire des aides natales. Et il y en a une à Nicolet, par exemple. Et c'est vraiment un lieu où est-ce que tu as ta rencontre, ta consultation, comme le bureau de la sage-femme, en plus du lieu d'accouchement. C'est comme une clinique d'accouchement, finalement, de sage-femme. Oui, c'est ouais, vraiment... Tous les services sont là. Puis... L'ancien ministre de la Santé, il les appelait les maisons des sages-femmes. Mais en fait, on dit maison de naissance parce que ça ne nous appartient pas à nous, ça appartient à la communauté tout. Là, fait. C'est vrai. Ouais, c'est là que les parents vont pour... faut que je m'ajuste le micro. Ça donne un effet de plus. Mais c'est ça, c'est là que les parents ils vont pour leur consultation et tout. Oui. Et les visites postnatales aussi. Puis c'est là que tu accouches. T'sais, les chambres sont en arrière, sont séparées des bureaux de consultation. Vraiment à visiter. Demandez dans votre région à visiter. Là. C'est super le fun. Cool. Nicolas. Mm-hmm. Ouais. Après ça, tu as le médecin, obstétricien, gynécologue. Ça, c'est la deuxième ligne. La sage-femme, c'est la première ligne. Le médecin accoucheur, c'est la première ligne. L'infirmière, c'est la première ligne. Le gynécologue, c'est la deuxième ligne. Devrait être utilisé quand il y a une complication ou une grossesse à risque élevé, une problématique. Bon, là, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de suivi. Donc, les obstétriciens vont faire des suivis de grossesse quand même, des grossesses normales. Eux autres, ils font qu'à l'hôpital. Sont spéciales. Ils peuvent faire des accouchements naturels sans complications et tout. Ils vont faire la sous-anesthésie péridurale et c'est déjà à faire des césariennes. Donc, si tu as besoin d'une césarienne... Un petit peu de crouton? Ben, si tu as besoin d'une césarienne... c'est lui qui va être là. Oh, check, check. Mais au moins, j'ai pas fait de jeu de mots sur Nicolette Lutérus tantôt. Mm-hmm. Nicolette Lutérus. J'étais pas assez proche. Sauf que l'obstétricien, ça va se finir après ton accouchement. Il va faire le suivi gynécologique, c'est tout. OK. Donc, il suit pas bébé, il suit pas les trucs comme ça. Il y a les accompagnantes à la naissance qu'il faut pas oublier. Les doulas qu'on appelle. C'est pas une professionnelle de la santé à proprement parler, mais elle va apporter soutien et information pendant le suivi médical. Que ce soit avec une sage-femme, que ce soit avec un médecin, une infirmière. Elle est là pour ça. C'est souvent des femmes qui vont vous accompagner à l'hôpital ou même en maison de naissance pendant l'accouchement. Donc, elles apportent un soutien de plus. Parce qu'à l'hôpital, ton infirmière revient aux heures, aux 2 heures. Elle a d'autres choses à faire, mettons. Mettons qu'elles sont pas beaucoup sur l'étage. C'est ça. Puis ta sage-femme, tu sais, elle revient aux 20 minutes. Mais des fois, il y a des femmes qui ont besoin de beaucoup de soutien, d'avoir 3 mains sur leur derrière pendant qu'ils accouchent. C'est vraiment ça, en plus. Ah ouais, oui, on masse le bas du dos. Fait que, tu sais, voilà. Fait qu'il faut lui faire confiance. Dans tous les cas, gênez-vous jamais pour parler à votre professionnel de la santé, poser des questions. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, changez de professionnel de la santé. C'est vraiment important. Puis même si vous êtes enceinte, là, d'avoir confiance en la personne qui est devant toi puis de ne pas avoir de gêne ni d'inhibition dans ces cas-là, il faut vraiment être capable de lui parler et poser tes questions. Alors, peu importe le professionnel. Si t'aimes pas ton gynécologue, t'aimes pas ta sage-femme, change. Ça se peut, ça. Oui, ben oui, ça connecte pas, ça connecte pas, là. Ça arrive. Ouais. Puis, vite, le suivi à post-naissance. Ben, t'as Info Santé. Ça, c'est la première source d'information. C'est 811, c'est ça? Oui, 811, quand t'es parent, là. Vraiment, t'appelles Info Santé. C'est y a une infirmière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour te répondre. C'est pas une super infirmière, là, c'est une infirmière, mais... très, très compétente. Elle est quand même bien sympathique. Oui, puis c'est surtout que après avoir appelé maman, des fois, maman est comme avec son truc de grand-mère, t'es plus ou moins à l'aise. Tu sens que c'est comme, t'as pas une réponse que t'es satisfait. Appelle Info Santé. Puis Info Santé, ils vont te référer. Il est 3 heures du matin, t'appelles. Puis ils disent, ben faudrait que t'ailles à l'urgence. Parce qu'à 3 heures du matin, les cliniques avec ou sans rendez-vous sont peut-être pas ouvertes. Ils vont vraiment référer au lieu. Va au CLSC, va à la clinique ou va à l'urgence. Ils vont vraiment pouvoir te diriger ou des fois juste t'apaiser, te rassurer de « ben non, finalement, c'est correct. » Il est tombé, c'est correct. Mais en tant que premier parent, tout est nouveau, tout est à apprendre. Mmh. Bébé apprend, toi t'apprends. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Des fois, il faut dédramatiser. Puis l'infirmière d'Info Santé peut faire ça. Après ça, tu as les médecins de famille, les infirmières au CLSC. La sage-femme, comme je disais, elle est là jusqu'à 6 semaines. Fait que, plus ou moins. Mais les infirmières, vraiment, là, c'est quand un bébé, ils sont là dans les cliniques d'allaitement, ils sont là dans les cliniques de vaccination. Si tu veux faire vacciner, si tu as des questions, c'est avec elles que tu parles souvent. Quand tu te présentes au CLSC, au triage, c'est souvent l'infirmière que tu vois en premier. Donc, vraiment, l'infirmière, quand tu as un bébé, ça devient ta meilleure amie. c'est vraiment la professionnelle de première ligne avec qui tu vas travailler. Et il y a les pédiatres. Théoriquement, un enfant devrait avoir un médecin de famille. Tu as dit tantôt pédiatre. Théoriquement, c'est un médecin de famille. Mais bon, encore une fois. Puis un pédiatre, ça devrait être utilisé seulement s'il y a une problématique majeure chez l'enfant. Parce que c'est un professionnel de la deuxième ligne encore. Ce qui fait que si tout le monde a un bébé en santé normale, qu'un pédiatre, tu te ramasses après ça avec les enfants qui ont des problématiques et tout, qui n'ont pas de pédiatre parce que le caseload du pédiatre est plein déjà. Trop de dossiers. Trop de dossiers, puis souvent des dossiers avec des bébés en santé. Ce qui fait que tout petit bébé qui a une problématique n'a pas accès à son pédiatre et son suivi parce qu'il est déjà surbooké. C'est comme les gens qui ont un rhume qui vont à l'urgence. Et voilà, voilà, voilà. Puis il y a l'optométriste, le dentiste aussi que vous pouvez voir, soit dit en passant. Hein. Un dentiste, là, vous pouvez y aller dès que vous voulez voir avec votre bébé. Puis un optométriste, vous devriez avoir une rencontre à 6 mois, à 3 ans, puis à 5 ans. Il peut diagnostiquer et prescrire aussi. Puis il y a différents spécialistes aussi que vous pourriez avoir de besoin. Si jamais, là, ça pourrait être un orthophoniste, un éducateur spécialisé, une diététicienne, un nutritionniste, un physiothérapeute, un ergothérapeute, un chiro, un ostéo. Donc, ça, c'est vraiment des spécialistes que vous pouvez aller vous chercher. Chaque enfant est différent. Puis, n'hésitez pas à en parler. J'ai l'impression que mon bébé a un trouble du langage. Je ne me sens pas à l'aise. Oui. J'aimerais consulter une orthophoniste. Est-ce que tu peux me prescrire un rendez-vous avec un orthophoniste? Les médecins de famille peuvent vous faire ça. C'est ça. Des fois, lors d'un rendez-vous plus générique avec un médecin, peut-être qu'ils vont pouvoir se rendre compte de certains problèmes, mais il y a des choses que tu remarques à la maison. Oui, oui. Puis, un rendez-vous avec un médecin, c'est 20 minutes. Là. Vous connaissez votre bébé, c'est à toi ce bébé-là, tu le vois évoluer tous les jours, tout le temps, donc c'est important de si t'as des questions, de pas hésiter d'aller consulter et de dire je pense que mon bébé a un problème à ce niveau-là et tout. Soit le médecin va dédramatiser, soit il va au contraire, non, ça c'est récurrent, ça je vois ça souvent, inquiète-toi pas, ou au contraire te prescrire, ben oui, un orthophoniste. T'sais, fait c'est vraiment bien à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à un professionnel de la santé. Et si vous ne sentez pas à l'aise avec son approche, changez. Voilà. C'est clair, hein? Oui. C'est très, très clair. Merci, Ingrid. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur l'aspect sage-femme, écoutez Connaître ensemble sur nos ondes. Oui. Un jour et à une heure, elle est terminée. Oui. oui. Pas encore c'est clair. Oui, non, mais c'est les premières années qu'ils le font. Hein, oui. Puis ça fait juste 2 semaines qu'ils sont sur le campus. Et voilà. Puis si vous avez besoin d'informations supplémentaires, moi, je me suis basée sur le mieux vivre avec votre enfant de la grossesse à 2 ans. C'est vraiment le mode d'emploi du bébé, ça. Donc, vraiment, là... On disait qu'il n'y en avait pas un mode d'emploi pour le bébé. Mais finalement, il y en a un. Ouais. Puis il est aussi large que... On dirait un animal de chapeau en deux. Oui. Vraiment, quelqu'un qui aurait comme déchiré un animal, c'est les hommes forts. C'est vraiment ça. Puis il y en a un qui est sorti en 2013. Là. Donc, super. Très à jour. Oui, très intéressant. Voilà. C'est tout. Vraiment. Ben oui. Merci, Ingrid. Arneberg. Oui. Ou, excuse-moi... Ingrid Anneberg. Ingrid Bird, c'est ça. Oui. Ça ne bougera pas de ça. C'est très beau. C'est pas vrai. Ingrid Anneberg. C'est très simple. On t'apprécie beaucoup et on te retrouve la semaine prochaine. Oui, avec un titre et une chanson. Oui. Oui, peut-être. C'est les mercredis à 7h30. On s'en va en musique, on s'en va entendre à notre ami Félix-Antoine Couturier. Oui, monsieur. Fac. Avec Dans cette vie. Et plus tard à l'émission, plein d'autres choses. Ben oui. Qui s'en viennent. Ben oui. On a Lily Saint-Pierre. Oui. Le centre campus. Stéphanie Paradis. Ben oui, qui est sorti hier. Elle est sûrement déjà en train d'arriver. Oui. Donc, fac, tout de suite. Sur ces fous. J'avais 9 ans il y a 3 secondes. J'étais presque en contrôle du monde. Libre et léger. Pris dans mon soude de neige. Je voyais mon père plus grand que le monde, avec ses airs et ses chansons. Si je reste moi-même, est-ce que je suis toujours avec lui? Dans cette vie. Dans cette vie. J'ai un grand frère toujours en guerre, mais il est beau même en colère. Les mains douées, faut bien qu'il se protège. Et tout seul dans la grande maison, il y a ma mère et ses démons. Pour les semer, elle roule à bicyclette en après-midi dans cette retour, on fait le tour du Zone Campus avec Stéphanie Baradi. Oui, monsieur. Oui, on remue ciel et terre, mer et monde, ciel et marée, paradis et enfer. En fait, c'est soleil et lune. Gâche mon punchline. Ben oui. On remue zone et campus. Un autre punchline. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. 7h59. Oh, 8h. Oh, oh, live. Il est devenu 8h. Live. On vit un moment ensemble, Mathieu. On vit en direct, c'est rare qu'on peut le dire. Donc, toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oh, oui, maintenant, une personne qu'on a dû déplacer, qui a perdu sa case horaire. Et qui a perdu le don la voix. De parler. OK. Excusez, j'avais une extinction de voix. C'est parce que j'avais allumé le micro de la case horaire de 7h30. OK, oui. Il a changé de place avec moi. C'est ça, il a changé de place. Oh non. Je vais aller le chercher, OK? OK, vas-y. OK, bye. Cours. Cool. Ah, c'est ça. Ça, c'est la porte. OK, je pensais que t'allais marcher aussi. Galop, galop, galop, galop, galop, galop. OK. Donc, Steph. T'as oublié de revenir. Là, t'es parti. Hey, mon talent d'acteur est pas là, hein? Ouais. Pole dance, fitness. Zéro crédit. Voici la chronique Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Pas dans mon visage! Donc, oui, pas dans mon visage, dit-elle. Zone Campus, qui est le numéro 2 de la session d'automne 2013, 17 au 30 septembre. Et Stéphanie Paradis est la rédactrice en chef de ce journal. Oui. Elle est très heureuse de le partager avec vous. Oui, donc je vais vous lancer au visage quelques nouvelles ce matin. Commençons par les actualités. Tiens, en passant en une, c'est le spectacle de la rentrée, mais on y reviendra en art et spectacle. Donc. Étant donné que c'est en art et spectacle. C'est drôle comme ça. Donc, commençons avec la nouvelle réception du CAPS. Ils ont changé la fonctionnalité de la réception, n'est-ce pas? Bien, en fait, là, je sais pas si présentement, en ce moment même où on se parle, si c'est terminé, mais sinon, c'est sur la veille. Là, c'est je en sais construction pas. Encore, peut-être. C'est ça. Donc, en fait, oui, la réception du CAPS, donc c'était un grand comptoir d'accueil là, qui remplace maintenant l'ancien kiosque devenu désuet avec les années. Donc, par exemple, il y avait des tourniquets d'accès aux vestiaires. C'était remplacé par des petites des portes battantes. Okay. Dans le fond, c'est conçu et mieux adapté pour le passage des fauteuils roulants et des poussettes. Donc, c'est entre autres des rénovations qui étaient nécessaires pour le CAPS. Les cow-boys aiment ça aussi, les portes battantes. Ouais. Très cow-boy. Ouais. Mais tu peux pas vraiment aller prendre de bière de l'autre côté. Ah. Je pense qu'il n'y a pas de piano non plus. Puis tu peux pas tirer du gun. Non. Ça serait mal vu. Ça serait mal vu. Ouais. Mais il y a des sports où tu peux tirer du gun, genre. Oui, t'as raison. Le triathlon. Okay. C'est pas le triathlon. Biathlon. Le meurtre-athlon aussi. Le meurtre-athlon. Ensuite, on parle de l'imposition de nouveaux tarifs pour les frais étudiants. Là, je réponds à ça. Ben, ouais, c'est ça. Donc, oui, c'est des nouveaux frais sur les impressions et aussi sur les prêts en bibliothèque. Donc, il y a eu des petits post-it en forme de cœur qui ont été apposés un peu partout dans l'université pour montrer que les étudiants sont pas contents de ça et qu'il faut faire quelque chose. À l'action. Le campus de l'UQTR à Drummondville s'en vient. Oui, désolé, j'avais deux pages de coller. T'avais tourné des... C'est ça. Qu'est-ce que tu fais avec ton journal, Steph? Il n'y a pas tant de... En tout cas, c'est pas très excitant. Mettons, en tout cas, laisse faire. Hein? Moi, je la pogne, mais... Page collée, laisse faire. Correct. Je m'excuse, mais moi, ça colle pas les pages. Bon, donc, oui, campus à Drummondville, le 6 septembre dernier, c'est l'Université du Québec à Trois-Rivières qui recevait l'approbation du gouvernement québécois pour la réalisation du projet de campus de l'UQTR à Drummondville. Donc, ce nouveau campus-là, ça vise avant tout à rendre accessibles les études supérieures sur les territoires du centre du Québec et pourra accueillir dès 2015 1000 étudiants et étudiantes. Ah, quand même, ça va augmenter le nombre d'étudiants en tout. Course chiropratique maintenant, courir pour la cause et la recherche. Donc, c'était la 29e édition de la course chiropratique à l'UQTR. Donc, c'était quand même 400 participants qui ont pris part à cette course-là afin d'amasser des fonds pour Chiropratique sans frontières et aussi pour la Fondation de recherche chiropratique du Québec. Mm-hmm. Donc, il y avait quand même plusieurs courses différentes, comme le 1 km, 5 km, 5 km marché, 10 km, il y avait même des relais. Donc, très intéressant. Il y en avait pour tout le monde. Ben, donc, sauf que si tu voulais faire le bacon, ça marchait pas, par exemple. Pour faire le bacon? Le bacon sur 100 mètres. Attends, tu bouges quand même. Faudrait leur en parler, ça pourrait être une idée comme ça. Est-ce que tu participerais? Le bacon sur 100 mètres? S'ils me nourrissent de bacon, je pourrais faire le bacon. Waouh! Ah, c'est un peu n'importe quoi. Laurent Constantin nous en a parlé hier dans sa chronique, ici même à l'Assemblage requis, mais son texte, sa chronique s'appelle Voyage au centre du campus. Donc, la corporation de la GUQTR, une machine en plein essor. Voilà. C'est pas mal sûr que ça résume la chose. Ensuite, toujours à l'actualité, nomination à des postes de cadre. Oui, donc c'est une sélection entièrement féminine à des postes de cadre. Donc, c'est intéressant parce que, comme nous dit Janine Routier, qui est directrice du développement institutionnel de l'UQTR, donc une des femmes qui a été nommée dernièrement, elle dit qu'en 1998, nous n'étions que 3 femmes à des postes de cadre au total. Aujourd'hui, il y a 13 femmes cadres, soit 40% de l'équipe de direction. Donc, les femmes vont bientôt dominer le monde. Moi, l'image que j'ai quand tu me parles de femmes cadres, là, c'est juste vraiment un cadre avec des mains. Un cadre avec des mains. Où je lève dessus. Où tu fais du body painting sur le ventre. Oui. Puis là, il faut pas qu'il bouge. Oui. Femme cadre. Femme canevas, femme cadre. C'est comme un peu le féminin de l'homme sandwich. Oui, oh, oui, c'est ça. C'est vraiment bon. Je suis avec ma baguette. Ensuite, Myriam Lortie nous signe son portrait reportage du numéro. Et Colin, que c'est détaillé et c'est le fun. Oui, c'est le premier portrait reportage. Je pense que c'est le premier. T'es on the campus? oui, t'es on the donc, campus. Donc, très intéressant. Elle veut nous faire découvrir les gens qu'on retrouve sur le campus, mais d'une autre façon qu'on n'est pas nécessairement habitué de voir. Donc là, vous pouvez voir le portrait reportage de Robert Champagne, qui est le président de l'UTA. Donc, l'Université du troisième âge de l'UQTR. Donc, c'est le récit d'un étudiant permanent. Donc, Myriam nous offre le portrait d'un homme passionné, avec une belle réflexion sur la vieillesse. Donc, très intéressant. Oui, vraiment. Donc, Myriam Lortie, on la surveille dans chaque numéro. Et cet homme-là est, je cite Myriam ici, inspirant. Parce que c'est le mot qu'elle a utilisé au moins 15 fois devant moi. Elle en parle sans cesse. Elle en parle sans cesse. Donc, je pense qu'elle a bien fait son travail. Oui, oui, en effet. Ensuite, on passe à la section à société. Oh, société. Et oui. Jean-Philippe qui va l'idée. Et ça. On passe le journal aussi à Jean-Philippe. On fait ça de même, nous autres. On se partage la job. On est fou. Fait que là, oui. Il y a Lily Brunet qui nous parle de la misère et des pissenlits. Mais en fait, je pense qu'on n'en parlera pas plus. Je crois que c'est la chronique qu'elle va nous faire tantôt. Oui, tout donc, à fait. Je vais lui laisser toute la place pour ça. Nous en parler. Mais il faut qu'on le lise avant qu'elle arrive, fait qu'on pourrait le lire en ça serait vraiment en plein. Cher journal. Et puis après ça, on a Nicolas Gauthier avec sa chronique Tout est bizarre qui nous parle de l'argent. De l'argent. Donc, je le cite, « S'il y a bien une chose en ce monde qui est réellement bizarre, quelque chose qui m'assaille de questionnements délirants et de non-sens flagrants, c'est bien l'argent. L'argent, dans le fond, qu'est-ce que c'est? Certains diront une lubie, d'autres diront un outil, mais d'aucuns diront qu'il s'agit d'une réalité immuable, d'une vérité non négociable. Mm-hmm. » C'est intéressant. Bien. Oui. Sébastien Dulude nous fait la deuxième partie de « Vicky was here ». Donc, que je ne ferai pas non plus, car il participe à l'émission d'Assemblage requis. Ça va être mercredi prochain, à 8h30. Mm-hmm. À ne pas manquer, tout comme les autres, en fait. Mais si vous n'avez pas lu ou entendu sa chronique sur la première partie, elle est disponible sur zonecampus.ca. Oui. Et en balado-diffusion sur assemblagerequis.com pour la version audio. Je l'attendais. Merci. Oui. Kevin Gaudreau, c'est comme dans le bon vieux temps. Comme dans le bon vieux temps, peut-être vous arrive-t-il à certains moments particuliers d'avoir envie de faire une promenade vers votre quartier d'enfance ou d'aller visiter des endroits significatifs de votre passé. Ancien lieu de travail, école primaire ou secondaire, lac, etc. Une émotion pourrait être la cause de ce besoin de rapprochement vers vos racines. Donc, on nous parle, bien entendu, ici de nostalgie. Donc, par exemple, hier, on déménageait, on changeait de bureau et... et j'arrêtais pas de dire la stuff. T'es-tu nostalgique? De une période où t'étais pas là du tout. Non, mais parce que souvent, on faisait les allers-retours, puis là, on attendait pour que tout soit placé. Dans le fond, on avait juste à attendre, fait qu'on n'avait rien à faire. Fait que c'était comme, rien à faire? Bon, t'es nostalgique. Ouais. Mais ça me rappelle... Vas-y. Non, c'était juste comme le petit regard vide un peu, mais oui, c'était plus de la fatigue que de la nostalgie. Oui, exactement. Mais faudrait s'en reparler, il faudrait s'en rappeler, en fait, mais j'ai trouvé, en faisant le déménagement, parce qu'on change de bureau en ce moment, vous verrez peut-être les vidéos de ça un jour, mais j'ai retrouvé la liste des premiers noms de travail qu'on avait choisi pour Assemblage requis à l'époque, en 2009. Avec Kiwan. Avec Kiwan. Wow. Dans sa création. Faudra faire un petit segment là-dessus. Oui, on fera un spécial nostalgie. Oh oui! J'espère que tu vas encadrer cette feuille-là. Il faudrait que je me rappelle où je l'ai mis dans la boîte, mais oui. OK. Quelque part dans la boîte. Finalement, tout est à refaire. On la retrouvera au prochain déménagement. Exactement. Continuons dans Société avec Jean-François Veilleux qui nous fait un regard philosophique sur l'évolution humaine. Il y a 600 millions d'années, et c'est un gros chiffre, la vie sortait de l'eau. Voilà 65 millions d'années, les dinosaures disparaissaient lors de la 5e extinction de masse. La mort des reptiles géants a permis l'évolution profiteuse des mammifères qui étaient chassés des endroits fertiles et abondants en nourriture. Puis, il y a seulement 2 millions d'années, certains mammifères ont commencé à être bipèdes, maîtrisant le feu il y a environ 400 000 ans. Donc, petit regard sur l'évolution, bien entendu, donc ça va encore plus loin dans le reste de l'article, on s'entend. On a encore le dessin ou la caricature, si on veut, de Pierre... L'âge de Pierre, je sais pas pourquoi. Je pensais au petit Robert, je sais pas pourquoi. De Hubert Samson avec le fantasque. Parce qu'il s'appelle Pierre Robert, le gars du petit Robert, c'est ça? Et oui, et on a le petit Wiki illustré également dans la section loisirs. Donc, qui nous parle de la journée d'intégration. Très intéressant. Oui, qui est assez drôle, en fait. Ben, je vous conseille d'aller le voir, hein, parce qu'on vous dira pas à jour quand même. Écoute, un trait de crayon vers le haut, vers la droite. 14 degrés par la droite. On passe en art et spectacle maintenant. C'est la partie de la rentrée qui avait lieu le jeudi 12 septembre dernier avec Bears of Legend, entre autres. Oui, donc c'est la chasse-galerie le 10-12 qui débordait. Donc, c'était vraiment deux gros spectacles jeudi dernier pour la partie de la rentrée. Donc, Bernard Adamus et Bears of Legend. Donc, pour un petit descriptif de la soirée, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez manqué? Donc, si vous voulez regretter de ne pas avoir été là, article à lire. Il y avait beaucoup de monde, apparemment. Oui, il y avait beaucoup de monde. Moi, je suis allé pour Bernard Adamus. Je voulais absolument y aller. Finalement, j'ai été capable de toffer une toune. T'étais malade, ta sinusite. Hein? Oui, puis je suis parti. Puis j'étais bien triste. Ensuite de ça, Alexandra Carignan nous en a parlé hier, mais la boutique ATD, Art Visuel et Entreprise. Oui, donc là, on parle du collectif de La Main Perdue qui a ouvert une boutique atelier. Donc, intéressant. Oui. Chronique littéraire maintenant, mieux vaut en lire avec Marie-Hélène Gauthier. On nous parle de Silver Spoon, la cuillère d'argent. Donc, c'est un manga. Donc, elle nous dit qu'en réécoutant des émissions de Passe-Partout avec son fils, elle a été étonnée de l'importance qu'on y accordait à l'agriculture. Donc, il y avait beaucoup de capsules qui étaient réservées, par exemple, sur la ferme de Fardoche, avec les animaux, le temps des sucres, la culture d'un potager. Donc, Elle a redécouvert ça aussi dans un manga. Donc, qui est une fenêtre sur le monde agricole, qui a un petit ton humoristique, mais terre à terre à la fois. Donc, ça semble très intéressant. Ouais. Parlant de Fardoche, c'est aussi mon surnom pour Fader, Félix-Antoine Desilets-Rousseau. Je l'appelle Fardoche maintenant. il nous parle de la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières, la Luitre. Donc, il nous parle du match spécial pour la rentrée spéciale de la Luitre. Donc, c'était lundi dernier. Non, pas lundi dernier, mardi. L'autre. Oui, c'est mardi le 10, c'est ça? Oui, donc mardi le 10 septembre à la Chasse-Galerie. Donc, c'était les nouveaux capitaines qui ont joué contre les anciens. C'était aussi pour inviter les gens au camp de recrutement. Donc, ça, c'était lundi et mardi cette semaine. Donc, c'est passé. Donc, on devrait bientôt connaître les nouvelles équipes. C'est excitant. Oui, donc, j'ai hâte. Soyez là la semaine prochaine pour le premier match officiel. Donc, lundi prochain. Et toujours en impro, on a aussi la LIM qui recrute présentement. Donc, c'est le 28 septembre prochain. Ils vous invitent les aspirants improvisateurs à leur camp de recrutement qui aura lieu à la Maison de la Culture. Venez remplacer ceux qui sont pas bons. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Une grosse blague. Ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Festival international de la poésie maintenant. Donc, c'est tout simplement la programmation qui a été annoncée pour le Festival international de la poésie. Donc, ça va se dérouler du 4 au 13 octobre. Octobre. J'ai vraiment de la misère avec mes bœufs, mes bœufs. Octobre. Tu me feras passer de te raconter une anecdote sur le mois d'octobre. Une anecdote qu'on dit. Oui. Donc, ça se tiendra le Festival international de la poésie du 4 au 13 octobre. Donc, c'est pour sa 29e édition. Ils vont miser sur la commémoration. L'événement offrira pendant plus d'une semaine plusieurs activités pour les amoureux des mots. Donc, il veut rendre hommage à ces poètes disparus de la région. Mm-hmm. Encore un autre sujet qu'Alexandra a abordé hier, mais en art visuel, Patricia Kramer. Donc, oui, jusqu'au 29 septembre prochain, l'artiste Patricia Kramer présentera sa nouvelle exposition « Bain de ciel » au Centre culturel Pauline Julien. Donc, c'est entre abstrait et semi-figuratif. Mmh. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire personnellement. C'est de l'art, faut pas trop poser de questions. On en profitera pour prendre la cramaillère. Parle la crémaillère. Hier, j'avais fait crémaillère du Nord et crémisphère. Mais c'est parce que là, j'y ai passé tantôt. J'étais là, pourquoi j'ai pas dit crémaillère? C'est qu'en plus, l'émission a rejoué juste avant nous autres, tu sais, genre à 6h30. Ça ben oui. Cas, bref. Premier album pour Irish Moutarde, toi. Oui. Ça, c'est le fun. À ne pas confondre avec le fameux duo Relish Moutarde. C'est là, ça. C'est Irish Moutarde. Donc, c'est de la musique aux allures irlandaises et celtiques. Donc, après un simple entraînant, Irish Moutarde, groupe rock originaire de Québec, lançait son tout premier album mardi le 17 septembre. Donc, c'est l'album est intitulé Raise 'em All et offre un style rock irlandais. Mmh. Cinéma Le Tapis Rouge, ça, tout le monde en parle en ce moment, c'est très à la mode apparemment ce cinéma-là. Donc, cool. Oui. Ouais. Ça l'a ouvert le 31. Ça l'a tout ouvert. Ça l'a tout ouvert, je m'excuse. C'est rouge. C'est tapis rouge, pas tout vert. Ça l'a tout rouge le 31 mai dernier sous le nom Tapis Rouge. Oui, je un peu tout mêlé. Donc, c'est pour offrir des films, une vaste sélection de films de répertoire québécois et international. Donc, c'est ce qu'on retrouve pas, en fait, dans les cinémas commerciaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur place, il y a un café. On peut voir aussi des expositions d'artistes de la région, je ne sais pas exactement si c'est vraiment de la région. Sinon, dans la salle, il y a toujours des courts-métrages qui jouent sur place. Donc, il y a toujours quelque chose qui se passe au tapis rouge. Et pour terminer ça, lancement de programmation à la Corporation de développement culturel. C'est juste ça. Je vous lirai pas la programmation. Donc, mais si vous voulez un petit regard sur la programmation de la Corporation de développement culturel, tout est là. Maintenant, on passe au sport, Steph, avec Jean-Philippe. Oui, donc... chacun notre journal la prochaine fois. Bon, j'y penserai. Hey, je commencerai pas à marquer les articles dans trois journaux, là. Arrangez-vous, OK? OK. On se louera un projecteur. Cool. Puis on fera des diapositives. Oui. Clac, clac, clac. Flac. Donc, Steph, c'est le retour du badminton à l'UQTR. Oui, Jean-Philippe. C'est... Donc, on a un article qui nous explique un peu plus en profondeur c'est quoi le nouveau programme de badminton, tout ce que ça implique, les gens qui gravitent autour de ça. Ensuite, on a le hockey qui repart en force. On a déjà une victoire en match préparatoire pour les Patriots hockey. Donc, ils ont préparé déjà leur premier match. C'était le 13 septembre dernier au Colisée de Trois-Rivières. Donc, une bonne performance pour la troupe de Marc-Étienne Hubert qui a signé une victoire de 3-1 sur les Stingers de l'Université Concordia. Bien fait. Voilà. Bien fait pour eux. Et en soccer, c'est les premiers matchs de la saison régulière. Oui, donc eux, en soccer, ils ont eu un peu plus de temps encore pour jouer. Donc, c'était les 6, 7 et 8 septembre. C'était la fin de semaine des premiers matchs. Donc, les équipes masculines et féminines des Patriotes ont pris part à deux parties. Donc, la fin de semaine s'est soldée par deux défaites chez les filles et une victoire nulle chez les garçons. Et finalement, en duathlon, semblerait-il qu'on a toutes que des athlètes ici? On a, oui, deux Patriotes qui sont parmi l'élite mondiale. Et aussi un petit regard sur le cross-country qui s'est déroulé cet été. Donc, étant donné on en parle peut-être un peu moins pendant l'été, donc là, vous avez la chance de se connaître un peu plus ce qui s'est passé du côté de la course et autres affaires qui se passent avec les pieds. Oui. Et encore une fois, donc les sports sont accompagnés d'une publicité de Valentine parce que ça va ensemble. Sur le son de campus, 17 au 30 septembre 2013, c'est le volume 9, numéro 2, en kiosque maintenant sur le campus du QTR et, bien sûr, éventuellement, sur le périphérie, la superficie de la Morrissey. La Morrissey au grand complet. Voilà, c'est cool. Hein? En une, on retrouve le spectacle de la rentrée. Donc, vous allez le retrouver en regardant des gens qui jouent de la musique. Merci Stéphanie Paradis. Merci. Rédactrice en chef du journal Zone Campus. La chronique Zone Campus a lieu aux deux semaines à 8h. Oui, maintenant à 8h. Voilà, c'est nouveau. Et les semaines alternatives, en alternance, elle est à 9h, mais c'est les petits bonheurs, Stéphanie Paradis. Donc, on n'est pas obligé d'en parler parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est la même personne. Mais justement, on t'a séparé pour que il n'y ait pas de confusion. Celle qui a du fun, celle qui écrit le journal. Je m'excuse, mais j'ai beaucoup de plaisir à travailler aux Zones Campus, mon cher. Ah, ben, Colin. Mets ça dans ta pipe. Et tu joues très bien du saxophone en arrière. Merci. On va aller entendre les hand claps. Oui. Avec J'aime ça. Fait que, comme tu sens, je peux pas applaudir en même temps que je baisse les boutons. Parce que je baisse le fond. Je monte la chanson. J'applaudis. Ah, là, c'est fini. Il y a plus de. Non. Laisse faire. C'était Phoenix et Trying to be cool à Assemblage Requis, 8h25. Dans quelques instants, ce sera la nouvelle chronique de Lily Brunet-Saint-Pierre, L'aplomb dans la tête. Mais pour l'instant, Colin, il nous reste encore un petit peu de temps pour passer une autre chanson, à moins que tu aies quelque chose de plus pertinent à dire que juste une autre chanson alors qu'on vient d'en jouer deux de suite. Mais il fallait que tu me rappelles de te compter l'anecdote du mois d'octobre. Octobre, mais c'est justement ça, mon anecdote. Okay. C'est que, écoute, pour pas le nommer, à un moment donné, je passe devant, mettons, un salon. Puis, mettons, s'il fallait que je décrive ce salon-là, ça serait de jeux. Des jeux. Salon de jeux. Le salon de jeux. Mais tu sais, ça serait juste purement, genre... Ludique. Oui, c'est et ça. Et complexe. C'est ça. Oui, complexe. Wow! Merci. Ceux qui l'apprennent, mais c'est pas vraiment une joke. Oui, mais j'adore. Okay. Donc, c'est ça. Puis, j'étais avec un ami, puis il y a des courses de chevaux à Trois-Rivières, puis je me suis dit, je suis jamais allé voir ça. C'est pas mal tous les salons de jeu. Oups! Non, ben écoute, ça vaut la peine. Puis, c'est ça, il y a des courses de chevaux, je suis jamais allé voir ça. Peut-être cet été, tu sais, si j'ai le temps, j'irai. Finalement, je suis jamais allé. Non. Puis, c'est ça, là, on va voir la dame qui est à l'accueil, genre. Puis là, on dit, ah, tu sais, madame, c'est comment ça marche, tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour aller voir des chevaux. Ben, elle dit, premièrement, c'est les mardis et dimanches. Ben, je fais, OK, parfait. T'sais. Puis ça, situé à l'année, je ne savais pas trop si ça peut avoir lieu l'hiver. Puis là, elle s'est comme enfargée. Puis elle a fait, non, c'est juste qu'au mois d'octobre. Octobre. Ben, là, j'étais comme, OK, c'est comme de la soupe. C'est une affaire d'anti-acidité aussi. Ah oui, des tomes. Puis écoute, j'ai tellement trouvé drôle. On est parti après parce qu'on n'était plus capable de faire la conversation avec mon ami. Puis là, je fais, ouais, mon octobre, c'est quoi ça, tu penses comme moi? Ça va la suivre. Ta vie comme 4 novembre avec chose Jean-Christien. Oui, exactement. Ça va le suivre, ça. C'est juste un lapsus. C'est juste un lapsus, puis ça arrive. Et maudit. Octobre. C'est pas grand-chose. Donc, voilà, une belle anecdote encore, pas punchée. Toujours. Comme j'ai l'habitude de faire cette semaine pour une raison de plus. Cette semaine, tu rétrécis ça à cette semaine, toi. C'est 3 semaines qu'on est en onde, tu dis ça à chaque semaine. T'sais. Non, mais cette semaine, c'est particulier là, comment mes histoires sont non punchées et non fondées. C'est pas grave, on va juste faire un malaise puis juste aller en pause sans même dire qu'on s'en va en pause. Sauf que je viens de dire en disant qu'on le faisait. Ouais, un autre malaise. Le plan de demain, à Assemblage Requis. David Ferron viendra partager un groupe de pièces musicales francophones avec la langue dans ton oreille. François Landry nous parlera de politique dans son segment Logocratie 101 et Joanie Gagnon nous fera un compte-rendu des sorties à faire dans Alors on sort. C'est demain à Assemblage Requis dès 6h30 en direct à 7h39. Toujours à Assemblage Requis, présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau vont être de retour incessamment, si je peux utiliser mes grands mots, éventuellement un jour, parce qu'il est parti dealer des affaires. Donc, Lily Brunet-Saint-Pierre, qu'on reçoit à l'instant, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, une autre nouvelle chroniqueuse à Assemblage Requis. On a une saison de renouveau ou renouvelle, parce que c'est une fille. On met ça au final. Oui, des renouvelles. Des renouvelles. Oui. C'est ça. Donc, Lily, tu écris dans le journal Zone Campus depuis l'année passée. Tu as commencé l'année passée? Non, j'ai commencé cette année. Là. L'aplomb dans la tête est le nom de ta chronique. Oui. Et tu signes ça à toutes les 2 semaines dans Zone Campus. Oui. Ta chronique en général, mettons, comment tu décrirais le style que tu veux apporter? Quel sujet est-ce que tu explores dans ta chronique? Ben voilà, moi, j'avais pas vraiment pensé à avoir une ligne directrice, quoi que ce soit. Donc, avant la première date de tomber, j'étais un peu dans le rush mental de trouver c'était quoi ma ligne de pensée, de quoi j'allais parler. Je savais même pas moi-même, là, tu sais. Fait que je me suis dit... Moi, j'écris quand même de façon directe un peu, avec des québéquismes, un peu en joual. Je voulais insérer de l'humour là-dedans, mais quand même des critiques, des petites critiques sociales, avoir du sarcasme, un peu de cynisme, donc être un peu « raide », entre guillemets. Brasser les choses. Ouais. Et l'aplomb dans la tête comme un jeu de mots, tu sais. Qui est difficile à expliquer à la radio, tu sais, dans l'écrit, c'est très, très beau. L'aplomb dans la tête, A-P-L-O-M-B. Oui, A-P-L-O-M-B. Oui, c'est comme ça. Puis, c'est ça, j'y ai pensé longtemps, là, au nom de chronique, puis c'était un peu l'aplomb dans le sens être direct, dire les vraies affaires, entre guillemets, là. puis même si c'est un peu raide des fois, puis dans le sens aussi du plomb dans la tête, là, apporter des informations, apprendre certains trucs. C'est vraiment excellent comme jeu de mots, je trouve. Ah, oui, ouais. J'ai eu beaucoup d'aide de mon entourage, je les remercie. Ah, d'accord. Vous avez remarqué que Jean-Philippe est de retour. Moi qui pensais que ça allait prendre plus de temps que ça, je t'avais mentionné comme tu n'étais pas là. Oui, ben écoute, j'ai fait ça, puis je suis revenu comme sur une fly, mais je vais repartir après la chronique. Okay. Mais pour l'instant, tu vas voir qu'on va pouvoir discuter ensemble de on va jouer sur tes deux articles, sur les deux articles des deux premiers numéros de Zone Campus, si on veut. Oui. Donc, le premier portait sur quel sujet? Le premier, c'était le cynisme bachelier. C'était un article un peu en deux parties. Donc, première partie, je parlais du retour en classe pour bien commencer les choses, là, tu sais. Mm-hmm. Puis, c'est ça, le début de session. Et je disais que moi, personnellement, il n'y a plus rien qui me motive à débuter des sessions. T'as eu combien de sessions, toi, personnellement? Ah, en session, je sais vraiment pas. T'es aux études Depuis 2009. OK. Mais j'ai commencé à Sherbrooke en droit. OK. Et tout ça, c'est fini en psycho à l'UQTR. Et changement toujours à l'hiver. Je pense que j'ai été inscrite 3 fois au certificat, 2 fois au bac. J'ai eu mon certificat. Je t'ai invité à la collation des grades depuis 3 ans. Là, je reçois ça, puis je me fous ça dans la poubelle, même si je suis due, tu sais. Je ne fais plus rien. Fait que c'est ça, là, la période où ça m'excitait de commencer l'école, c'est vraiment rendu associé à l'enfance pour moi. Puis c'est ça, je voulais partager un peu le bon cynisme par rapport à l'UQTR, par rapport à l'école, à l'administration un peu universitaire qui peut être lourde parfois et t'enlever carrément le goût d'étudier. Fait que c'est un peu ça que je voulais passer. Ensuite, j'y étais d'une petite anecdote de cet été là, dans un show de Louis-Jean Cormier au Festivois. Que j'ai beaucoup ri puisque j'étais là à ce show-là de Louis-Jean. Oui. Puis je trouvais ça drôle parce que justement, moi aussi, tu faisais référence aux têtes blanches là, dans cet article-là. Puis c'était assez troublant puisque c'est quand même. Tu sais, il faisait pas partie de la voix encore. Non, c'est ça. Puis, là, ce serait normal d'avoir des têtes blanches dans oui, un quand oui, c'est même ça. Plus. Puis je suis arrivé là-bas en me disant, tu sais, ça va être le fun, un show où on va pouvoir se coller sur le stage aux Ursulines. C'est une belle place quand même. Puis il y avait tellement de monde assis. On pouvait pas se rapprocher parce que tu te faisais vraiment littéralement engueuler par les gens en arrière en disant comme ben c'est parce que moi je suis assis puis je veux voir. Fait que ben c'est ça, fait que t'aurais pas d'affaire à être debout en avant d'un stage lors d'un show de Louis-Jean. Ouais. C'était le royaume des chaises là, vraiment. Ah, ouais, c'était vraiment. Limite désagréable. Puis c'est ça, puis Louis-Jean Cormier lui-même il était de petites remarques super malaisantes. Il a dit à un moment donné, je pense qu'il y a un jeu de pétanque là, qui vient de commencer. Oh! Là. Là, c'était comme... Hein, il n'a pas dit ça. B36, on appelle le B36. Mais le rappel, quand même, juste pour revenir un peu sur le show, là, le rappel a été vraiment ma meilleure partie. Là. Je ne sais pas si tu es resté jusqu'à la fin. Oui, oui. Mais le rappel, là, c'était qui donc après? C'était Robert Charlebois qui commençait. Fait que là, tout le monde s'est dépêché d'aller avoir une bonne place assise pour le show de Robert. Puis il nous a invités à tous se rapprocher là, devant le stage. Fait que là, c'était meilleur. Oui. Mais tu te rappelles qu'il a désigné une certaine gang de drogués qui dansaient en avant? Ben oui. Ça, c'était moi. On apprend à te connaître. Il a dit, venez l'avant, là, les drogués. On arrive. Mais comme il fait la voix l'année prochaine, il sera sur la grande scène puis on pourra être debout. Voilà. Oui, ça serait un bon investissement quand même. Oui. Bref, c'est ça. C'est une petite anecdote là, pendant ce show-là que je tripais beaucoup sur une petite dame qui hochait la tête devant le show et j'avais l'impression vraiment qu'elle suivait le rythme de la base, puis du drum, puis qu'elle aimait ça. Elle était dedans. Oh oui, puis là, je me suis créé un gros scénario sur cette madame-là, tu sais. Comme je fais souvent, je pars dans des bulles, puis là, je me rends compte que j'ai pas raison, puis là, je me fais des gros yeux à moi-même. Je suis comme, oh! Mais tout ça avec moi-même. Fait que j'ai beaucoup de plaisir. Puis c'est ça, je la trouvais cool, puis là, j'étais comme, elle dit ça dans le fond, là, c'est une vieille hippie, puis à l'écoute du Carquois, là, elle. Là. Puis là, elle, à l'écoute du Patrick Watson, là. Puis là, elle connaît ça dans le fond, là. Elle tripe sa vie. Puis là, je me rends compte après que dans le fond, elle hoche la tête parce qu'elle a du Parkinson hardcore. Fait que là, elle shake de la main, puis tout, puis je suis comme, oh, ben, la vie est donc bien décevante. Ça fait un bon beat sur stage, amenez-la avec des petits. Avec des hochets. Oui, je pensais qu'elle tripait, mais non. Non. C'était une maladie, tu sais. C'est vraiment plate. Ouais. Bon, fait que c'était ça, ma première chronique. Excellent, Colin. On peut évidemment la lire sur zonecampus.ca pour ceux que ça intéresse de la lire au complet. Maintenant. Dans le numéro qui sort aujourd'hui, qui sortait hier en fait, tu as une deuxième chronique. Oui, C'est La misère et les pissenlits. Oui. Drôle de titre. Ben, ça donne envie de le lire parce que tu sais en effet pas du tout de quoi ça parle dans le titre. Moi, j'aime ça laisser un petit peu de flou. T'sais. Oui, mais je pense qu'on sait pas du tout de quoi que je parle jusqu'à trois quarts de l'article. À peu près, exact. Fait que c'est un peu mon but. Mais j'espère que ça passe dans le bon sens. Tu sais, quand tu fais ça, tu te dis, est-ce que les gens sont comme tout le long, c'est bien fatigant de quoi qu'elle parle. Ouais, mais abandonne pas aux trois quarts de la chronique. C'est comme un roman punché. Oui. Moi, j'aime ça. Là. C'est un genre d'écriture que j'adore. Là, mais... Ouais. C'est comme le contraire d'une anecdote de Jean-Philippe Charbonneau. Oui, c'est ça. Exactement. Ben, écoute, moi, je pourrais peut-être essayer l'inverse. C'est commencer par le punch. Oui, mais il maîtrise bien la montée quand même. Oui, ouais. Un gros crescendo, c'est ça, comme la pizza. Oui, puis après ça, c'est comme le drop total. C'est comme. Boom. C'est littéralement comme la pizza que tu au four, crescendo, puis qu'à la fin, t'as fait comme un petit peu trop cramé, genre. Ben non, mais moi, en fait, c'est plus comme un gâteau. Ouais. Un gâteau c'est que tu mets au four, bon. qui lève, puis là, tu fais comme, ah, es-tu prêt? Clac, t'ouvres la porte, puis il est comme ça. Un soufflé, ouais, exactement. Ouais. Moi, je suis comme ça, je suis un soufflé. T'es un soufflé manqué. Un soufflé manqué. C'est pas... Oh non! Wow. On pourrait tout avoir le nom de pâtisserie. Oui, c'est ça. Le soufflé manqué. Toi, tu serais quoi? Oh! Mais quand je me suis fait couper les cheveux, ma mère m'a dit que je ressemblais à un cupcake. Ah, présentement? Ben oui. Bon. Ouais, c'est pas fin. Non, c'est pas très fin. Mais c'est bon, un cupcake. Au caramel? Oui, maintenant. Un petit peu de brun pâle. Oui. C'est bon. Et Mathieu? Merci. Tu serais? Oui. Tu serais quoi? Je sais pas. Mais il faut que tu trouves. Quelque chose pour au fromage? Oui. Ouais. Moi, il me fait penser à un éclair au chocolat. Ah, God. Ah. Est-ce que c'est parce que je commence à avoir du blanc en avant? Non, c'est pas ça. Ah, non. Non. Parce que t'es long. Et mou. T'es fait sur le long. Long et mou. Ah, bon. Merci. Voilà. Bon, ben, on se trouve des qualités. Fait que c'était la deuxième chronique, puis c'est fini là. Non, ouais. Donc, la deuxième chronique qui parle, en fait, ça parle des organismes communautaires à Trois-Rivières. Oui, le milieu communautaire en général. J'ai travaillé au milieu communautaire cet été. J'ai travaillé, en fait, 3 ans en maison d'hébergement pour violence conjugale, premièrement, mais comme intervenante, mais toujours au milieu communautaire. Et cet été, j'ai travaillé à la Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières, plus comme agent de projet. Donc, en com un peu plus. Puis là, vu que c'est une corporation, on avait 90 environ organismes communautaires membres. Donc, j'ai vraiment appris à connaître tous les organismes communautaires à Trois-Rivières. Tu sais, j'ai fait des recherches là-dessus. Je suis allée leur porter, admettons, leur invitation à la GA. Donc, je me suis promenée. J'ai vraiment eu une belle idée d'ensemble du milieu communautaire de la ville de Trois-Rivières. Puis c'est un milieu extrêmement riche. Puis je voulais amener ma chronique comme ça, un petit peu dans l'inconnu, peu à peu, parce que c'est inconnu, le milieu communautaire. C'est vraiment quelque chose dont on parle pas, dont on n'entend pas parler. Puis comme je dis dans l'article, c'est pas un milieu qui va se faire de la publicité parce que c'est... Pas le budget pour ça. Puis c'est pas le but non plus. Non plus. Tu sais, je veux dire, ils sont créés suite à un besoin criant habituellement. Fait que c'est ça. Je voulais parler de ce milieu-là qui est comme beau, mais c'est difficile en même temps. Là. C'est comme deux côtés. Là. C'est un milieu hyper riche, mais... Mais pas facile non plus, puisque c'est des gens souvent qui ont besoin d'aide ou qui ont besoin de ressources. Oui, c'est ça. Ouais. C'est des gens qui viennent en aide à ces personnes-là tous les jours. C'est un milieu super magique. C'est admirable, si on veut. Oui. Ouais. Puis je trouve qu'à l'université, si on peut faire un stage dans ce milieu-là, il faut le faire. Là. C'est quelque chose qui forme... Très bien. Et il y a différentes sortes de communautaires, parce que je ne sais pas si tu savais, mais en tant que tel, c'est Fouzon Campus, c'est une OSBL aussi, c'est un organisme sans but lucratif communautaire. C'est vrai. Mais c'est pas la même genre d'aide aux gens. Mais ça marche en démocratie aussi. Oui, ouais. Exact. Il y a un CA, fait que mais ça on aide personne, remplir, on nuit aux gens plus qu'on les a. Oui. C'est subjectif. Oui, c'est ça. Oui. Mais bon. Donc voilà, ben, pour vrai, on change un petit peu la pas qu'on change parce qu'on t'a jamais eu avant, mais on change un petit peu le principe par rapport aux gens qui viennent du Zone Campus, parce qu'on a quand même plusieurs chroniqueurs qui viennent du Zone Campus lire leurs chroniques, entre autres Sébastien Dulude, et on fait ça différemment avec toi. On fait plus parler du sujet et vous inciter à aller le lire vous-même, parce que c'est vraiment un texte très bien écrit et très imagé, très... très détaillé, c'est très très beau. Allez, j'abuse du mot très. Très. J'aime bien ça. Vas-y. Ben c'est, on est à Trois-Rivières. Hein. Tu peux faire des genoux avec très comme tu veux. Sur toute la ligne. Oui, sur toute la ligne. C'est un trait. Oui. La ligne. Oui. Trait à la vache. Oui, c'est assez. donc, avec toi, on fait juste discuter du sujet et pour vrai, aller voir sur zonecampus.ca et dans le Zone Campus, le journal qui est disponible sur le campus du QTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières, comme le dit le slogan. Oui. Pas un slogan, c'est pas ça. Le. Ouais. C'est un journal qui frappe. Le slogan. C'est le royaume des soufflés écrasés. Oui, oui, des malaises. Ah, oui. Oui, oui. C'est aujourd'hui. C'est même dans la pub qu'on fait des malaises. Fait qu'il faut en faire. C'est comme, oui. Sinon, c'est de la fausse représentation. Oui. Ouais. Donc, l'appelons dans la tête. Ce sera aux deux semaines ici à Assemblage Requis. Elle est mercredi à 8h30. Oui. Voilà. Et on apprécie vraiment ta présence. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci de l'invitation. Et tout, et tout. Bonne journée. Ben merci. On retourne en musique avec Dinosaur Bones. Oui. Et Nothing Left With... Gabin, le lien. Oh. Nothing Left Between The Lines. T'as un autre jeu de mots de ligne. Ah! Okay. Ah. T'arrêtes plus. On n'aurait pas pu scripter ça. Non. Pas de PDF de 40 pages pour cette émission. Yeah. Deux Pouilles en cavale et la pièce Courir nu à Assemblage requis sur C'est fou 89.fm. Tantôt, on va faire la chronique Sex Express, ça devrait pas on l'a. C'est la chronique de gadgets inutiles parce qu'on va vous raconter, dans le fond, de quoi vous avez besoin pour régler les problèmes dans votre vie. C'est pas compliqué, là. Mettons que vous avez besoin, je sais pas, je regarde un peu de même. Vous voulez jouer au billard, hein, mais vous voulez pas avoir une grosse table de billard dans le salon. Une table de billard pliante dans Sex Express, ça devrait pas on l'a. Tantôt, on va aussi faire le quiz. Écoutons la dernière chanson, sauf que Jean-Philippe va revenir. S'il revient, éventuellement, on va pouvoir faire ce quiz-là. Mais pour l'instant, on retourne en musique déjà. Pour l'entendre, Nico Kay, c'est une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Voici The Man. Sur C'est fou, 89.1. Une année de travail Le nouvel extrait de La Question, c'était une année de travail à Assemblage Requis. Et depuis tantôt, Colin, on joue de la musique pas mal. On a joué, je pense, deux blocs de deux pièces chaque. Pourquoi? Ben parce que dans quelques minutes, ce sera Sex Mess, ça devrait répondre là. Je vais parler pendant très, très, très, très longtemps. Donc, j'ai reposé ma bouche. Et maintenant, vous allez devoir m'entendre parler. Désolé. Mais pour l'instant, ben, on prend une petite pause. Puis après ça, ben, plus d'Assemblage Requis. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau va être de retour sûrement d'ici une demi-heure environ. Mais pour l'instant, mais Colin, j'abuse encore une fois. Quand je choisis un mot, je l'utilise beaucoup trop souvent. Je ne sais pas si vous faites ça. Colin, maintenant c'est la chronique, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, qui est la chronique des gadgets inutiles. En fait, on cherche des problèmes dans la vie. Vous savez, c'est comme ça. On cherche des problèmes à régler d'habitude. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Même quand il n'y a pas de problème, j'en trouve. Donc, commençons par quand vous lisez un livre, c'est bien beau mettre un signet, c'est bien beau mettre un post-it ou peu importe. Peut-être même que vous faites une ligne à l'endroit où vous êtes rendu sur le post-it. Ça reste trop compliqué. À la place, il vous faut les fingerprint bookmarks. Ce sont des élastiques qu'on entoure autour du livre à la page où on doit continuer de lire et il y a une main dessus. OK, donc vous pouvez glisser l'élastique dans le sens que vous voulez pour pointer avec le doigt exactement la ligne où vous êtes rendu. C'est en caoutchouc, c'est tout ce qui est plus simple, ça vaut absolument rien du caoutchouc. Je veux dire, les produits en caoutchouc, ça coûte pas cher. Ici, par contre, on vous demande 7$ pour un seul élastique de la couleur que vous voulez entre bleu, vert et orange. Juste pour un seul élastique, 7$. Ensuite, vous êtes du genre à vouloir jouer au billard. Par contre, votre salon, votre pièce où vous aimeriez mettre ça, votre salle de jeu n'est pas assez grande. Il vous faut la fold-away pool table. Oui, c'est directement descriptif comme ça, table de billard pliante. Et puis, ben, dans le fond, ça, c'est de 90... Ça se flippe à 90 degrés jusqu'à 4 pouces de profondeur et ça se déroule sur des roues. Et la table est plus petite, donc une table de billard normale, elle mesure c'est 53 pouces par 26 et 1 tiers. Ça inclut tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin pour jouer au billard. Donc les bâtons, hein, de la craie, je connais pas les termes, un triangle, truc, et des balles, boules, okay, boules de billard. Balle de billard. C'est quoi la différence entre une balle et une boule? C'est la grosseur, je pense, hein, c'est ça. J'ai jamais vraiment compris. Ensuite de ça, vous savez, la nourriture en canne comme du thon, de la dinde, c'est bien bon, mais des fois, il faut varier sa diète. T'sais? Et puis, comment varier sa diète autre que manger des insectes? Bien sûr, hein? C'est disponible partout, c'est super goûteux, apparemment c'est très très bon, la texture est intéressante si on n'y pense pas trop au fait que c'est des insectes, une très bonne source de protéines et ça pourrait être donc une bonne alternative dans le futur plus ou moins approché pour manger quand même des insectes en canne. Hein? Ça va vous sauver la vie peut-être. Ça s'appelle « Edible Bugs in Tin Cans ». Encore une fois, très descriptif, oui, insectes mangeables dans des cannes. Donc, 6 cannes de différents insectes avec des saveurs excitantes comme bacon et fromage. Ça, c'est pour les sauterelles. T'as aussi Nori Seaweed Armor Tail Scorpions, oui, des scorpions. Barbecue Bamboo Worms, des vers de terre. Salted Queen Weaver Ants, des fourmis. Et Sour Cream and Onion Dung Beetles, donc ça, c'est des scarabées. Ah, il y a aussi Wasabi House Crickets, des criquets wasabi. Miam! C'est Giant Water... non, en tout cas, bref, le reste, peu importe. Donc, ça a été testé en laboratoire. C'est professionnellement tout vérifié, tout ça pour la sécurité de votre estomac, toute la qualité des insectes est vraiment surveillée par le Food and Drug Administration aux États-Unis. Maintenant, quelque chose d'un petit peu plus mangeable, à mon avis, c'est les fruits dans les arbres. Par contre, des fois, Colin, le fruit que tu veux, il est plus haut que ce que tu es capable de te rendre, hein? T'sais? Tu veux pas prendre tout le temps le fruit qui est nécessairement en bas de l'arbre. Donc, il te faut le Tree Fruit Picker. Oui, pour prendre le fruit haut, avec une petite pince. Donc, ça fonctionne avec les pommes, les pêches, les poires et d'autres fruits dans les arbres, sans avoir à grimper dans l'arbre ou aller chercher une échelle. Tu peux aller donc jusqu'à la hauteur désirée avec une longue poignée de 8 pieds. Vous placez le panier qui vient autour du bâton. Il y a comme un genre de panier au bout de ça. Tu le mets autour du fruit et tu tires sur la gâchette pour prendre le fruit qui est à 8 pieds de distance. C'est pas magnifique, ça? Donc, vraiment un bâton de bois avec un petit panier au bout. Mais ça fonctionne apparemment très bien. Maintenant, vous voulez vous arranger les cheveux dans la voiture. Tu sais, un fer plat et tout ça, un curling iron, un fer à friser. Hein? Ben, dans la voiture, ça fonctionne d'habitude pas. À moins d'avoir un convertisseur de courant ou je sais pas trop quoi. Et bien maintenant, vous pouvez vous courber, vous faire des vagues dans les cheveux ou n'importe quoi avec ce Cigarette Lighter Hair Curler. Le lien est sur assemblagerequis.com. Ça, c'était très anodin. Ensuite, l'été est presque terminé, mais il y a encore des insectes dehors et vous voulez pas vous faire mordre par les insectes, vous faire piquer ou mordre. Donc, c'est des pantalons en genre de screen. Beau comme façon de le dire, hein? C'est des mosquito net pants. Pantalon fait de petits treillis, si on veut, de 1,2 mm de large. Donc, c'est confortable, extrêmement... Dans le fond, ça respire bien, ça laisse passer l'air et ça empêche l'accès aux moustiques ou aux autres insectes. C'est des mosquito net pants, ça coûte 29,95$. Maintenant, vous êtes à la toilette et vous aimez pas parce que vous aimez pas ça aller à la toilette au travail, peut-être, ou à la maison, parce que ça sent trop mauvais. Vos besoins se sentent trop mauvais pour les autres et ça vous gêne. Donc, il vous faut Poo-Pourri. Poo-Pourri. Oui. C'est un spray qui promet de neutraliser les odeurs dans votre bol de toilette, même après avoir flushé. C'est pas comme la plupart des sprays, là, les parfums de toilette, là, on en connaît très bien, là, des Glade ou peu importe. Là. Ici, ça empêche l'odeur de sortir de la bol. Oui. Donc, vous envoyez du Poo-Pourri, Poo comme quelqu'un, Poo-Pourri, dans la bol avant de faire vos besoins. Les huiles essentielles naturelles vont créer une barrière à la surface de l'eau qui va empêcher l'odeur de sortir. C'est disponible en bouteille de 8 onces pour 25$. Maintenant, ah tiens, faire votre propre gomme, c'est un rêve qu'on a tous dans la vie. Je rêve de faire ma propre gomme à la saveur que je veux. Hein? Donc, le Make Your Own Bubble Gum Kit, un ensemble pour faire sa propre gomme, ça inclut tout ce qu'il vous faut. Donc, pour faire, évidemment, la gomme à mâcher, on parle de gomme à mâcher ici, vous allez pouvoir expérimenter avec vos propres saveurs. Pas tellement de détails dans l'article ici, donc je vais aller sur le lien qui est en référencement sur firebox.com pour avoir quelques petits détails de plus. Et il n'y en a pas tant que ça. Oui, quelques saveurs qu'on peut faire, on peut avoir. Dans le fond, dans le produit, ça inclut la base de gomme ballon, sucre en poudre, truc de sirop de maïs, papier ciré, outils à mélanger, saveur de bubblegum, contenant pour préparer le mélange et les instructions étape par étape. Donc tout ça vient avec l'ensemble. Ça coûte seulement 16$. C'est donc le Make Your Own Bubblegum Kit. Pour vrai, ça pourrait être intéressant et peut-être comme activité avec les enfants. Juste ça comme ça. Maintenant, on change complètement de sujet parce que c'est vraiment pas une activité à faire avec vos enfants. C'est de faire des formes dans vos poils dans l'entrejet. Comme on dit, hein? C'est un kit pour vous teindre et raser les poils d'une forme précise. La compagnie appelle ça « The Hair Down There », donc le poil de l'entrejean. C'est un stencil et évidemment de la teinture. C'est simple, hein, comme ça. C'est pas tout à fait convaincu de celui-là. Maintenant, c'est pas un gadget, mais c'est juste vraiment cool. Je vous en parle parce que ailleurs dans le monde, chez McDonald's, on essaie d'attirer les adultes avec un joyeux festin pour adultes. Maintenant, ça s'appelle le Blitz Box, qui est présentement testé à Kansas City, dans le Missouri. Chaque boîte contient 2 quarts de livre avec fromage, 20 morceaux de mécroquettes de poulet, 2 frites moyennes. Mets-moi des grosses frites, là, en tout cas. C'est aussi offert avec un drapeau de voiture des Kansas City Chiefs, là, l'équipe de peu importe le sport. Un peu comme les équipes ici, on voit tous les petits drapeaux sur le bord des fenêtres de voiture. Donc, c'est ce genre de choses-là qui est inclus. Mais ça s'appelle quand même le Blitzbox. C'est l'équivalent de joyeux festin pour adultes. Et je trouve ça une bonne idée. Maintenant, pour faire des œufs en cube, en cœur et en cylindre... C'est une bonne idée quand même, c'est le Lecu Ovo Egg Mold, en fait, mold au pluriel. Donc, il y en a plusieurs où vous pouvez faire vos œufs. Dans le fond, vous faites couler vos œufs là-dedans. Vous allez pouvoir faire cube, cylindre, cœur, avec un petit peu d'huile dans le moule en silicone. Vous craquez l'œuf là-dedans, vous ajoutez du jambon, des herbes fines, peu importe. Passez au micro-ondes. Et en presque pas le temps du tout, vous aurez un déjeuner artistique. Vous savez, sur un clavier, on appelle les touches, en anglais, on appelle ça des keys, des clés. C'est comme ça qu'on appelle ça en anglais. Et ils ont littéralement pris cette idée-là pour faire un porte-clés, mais pas un porte-clés, un truc pour tenir les clés qui va sur le mur, mettons. C'est pas une affaire que tu mets dans ta poche, mais une affaire que tu mets sur le mur. Donc, ça s'appelle le Keyboard Key Hanger et ça ajoute des crochets là où il y avait des touches ou encore en anglais des clés. Ces crochets-là, dans le fond, pour mettre vos clés, je pense que c'est assez évident, on n'a pas besoin d'en parler plus que ça, mais c'est fait avec un vieux clavier Microsoft dans la photo ici. Et oui, on a enlevé quelques touches. Par exemple, des F9 ou je sais pas trop quoi, F8, des touches qu'on sert pas. Et de toute façon, le clavier est pas branché. Fait que ça change rien que les touches fonctionnent pas. Hein? Ensuite, vous manquez de place dans votre appartement, votre loft, votre maison, peu importe. On manque de pieds carrés, de mètres carrés. Donc, c'est le moment d'être créatif un petit peu et de maximiser l'espace qu'on a. C'est l'idée derrière les Living Cube par le designer Till Knecker. Et là, je prononce ça un peu n'importe comment. Qui incorpore un petit peu de tout dans ce qui ressemble, en fait, à presque une bibliothèque. Donc, le Living Cube, c'est un comme un cubicule, si on veut, qui prend pas trop de place et qui remplace plusieurs choses dans votre appartement. Par exemple, bon, il y a un lit, il y a un walk-in closet, un garde-robe, plusieurs étagères pour mettre tes affaires et ça a même un garde-robe ouvert qui sert comme centre de divertissement en même temps. Donc, allez voir les photos, c'est une espèce de grosse boîte, un gros meuble et il y a une échelle sur le côté de ce meuble-là. Dans le fond, imaginez-vous un cinéma maison avec des livres et une télé dedans. Et à droite, il y a un barreau pour accrocher tes chemises. Et sur le côté, à droite, t'as une échelle pour monter dessus. Et sur le dessus, t'as le lit. Donc, pour vrai, ça maximise le petit appartement que vous avez. Je trouve que l'idée est fantastique. Il y a plein de photos sur assemblagerequis.com. Vous aimez les sous-sons? Qui n'aime pas les sous-sons? Et qui n'aime pas, ben ça, peut-être qu'il y a plus de monde qui n'aime pas ça, mais qui n'aime pas le fromage bleu? Hein? Donc, la compagnie de sous-sons Lollifile crée un nouveau suçon à saveur de fromage bleu. Donc, Lollifile, qui est reconnu pour ses saveurs inhabituelles de suçon, c'est pas nouveau. Il y en a au Sriracha, l'épice, est-ce que c'est asiatique? En tout cas, mais qui est très, très bon. Et au lait maternel aussi. Ils font des citrons au lait maternel. Bon, ça a récemment été lancé la version fromage bleu avec une série de photos promotionnelles qu'on pourrait décrire comme étant un petit peu épeurantes. Donc, allez voir ces photos-là sur assemblagerequis.com. C'est juste une fille déguisée en drôle de... Je sais pas, à dire qu'elle a une permanente bleue et plein de couleurs dans la figure et elle mange son suçon au fromage bleu. Très, très bonne idée. Encore une fois, ici, vous avez de la difficulté à toujours mettre à jour votre téléphone. Vous savez, bon, le iPhone 5S sort le 20 septembre, c'est ça? Oui, il me semble. Et vous avez de la difficulté à tout le temps passer au prochain modèle parce que c'est cher. Et à la place, si on avait un téléphone qu'on peut upgrader nous-mêmes, mettre à niveau nous-mêmes, c'est le concept derrière PhoneBlocks. Un téléphone, c'est encore une fois un concept, donc on peut pas acheter. Donc, PhoneBlocks, on peut changer les différentes pièces à l'intérieur. C'est modulaire. Donc, selon notre désir, vous allez pouvoir utiliser, mettons, votre caméra votre téléphone avec une meilleure caméra pendant la journée. Et le reste, vous voulez pas de caméra du tout, vous l'enlevez, t'sais. Donc, chaque bloc a un endroit désigné sur le téléphone. Chacun est étiqueté avec un symbole qui parle de sa fonction, comme Bluetooth, la batterie. Le téléphone est désassemblé en enlevant deux vis en dessous de l'appareil. À ce point-là, on peut enlever la carte mère et les blocs qui viennent avec. Carte, si on veut, carte mère. Donc, en théorie, un nouveau bloc pourrait être acheté et utilisé pour remplacer l'ancien. Par exemple, bon, il y a une partie, un morceau qui pète, ou il y en a un autre qui sort avec une meilleure, mettons, plus de mégapixels sur la caméra. Vous allez pouvoir changer morceau par morceau. Concept donc super intéressant, progressif, et un jour, ça viendra partout. Maintenant, vous voulez imprimer en 3D, mais évidemment, ça coûte très cher. Il y a une nouvelle imprimante 3D. On en parle une fois de temps en temps de nouvelles imprimantes 3D, mais celle-ci coûte seulement 600$, disponible avec deux têtes d'impression. C'est la ZipoZim 3D Printer. Donc, la technologie du 3D qui est de plus en plus répandue, mais d'habitude, ça coûte entre 1000 et 2000$, ces imprimantes-là. Ici, c'est pas mal en bas de ça. Donc, fabriquée par la compagnie Zipro, la Zim 3D Printer est faite pour être compacte, facile à utiliser, capable de produire des modèles de 5,9 pouces par 5,9 pouces par 5,9 pouces, donc un cube, si on veut. C'est beaucoup plus gros que les spécifications des Cubify Cube et la Buccaneer, qui sont deux autres imprimantes 3D. Donc, la compagnie Zipro dit qu'on peut aller à 110 mm par seconde d'impression. C'est vraiment rapide. Imprimer des objets avec deux différentes couleurs en même temps. Hein? Et le Zim va se combiner avec les téléphones intelligents, tablettes et PC via Wi-Fi ou Ethernet. Il y a aussi une caméra à l'intérieur de l'imprimante, une caméra intégrée pour pouvoir surveiller votre impression 3D à distance. Donc, par exemple, ça va prendre, juste au hasard, 1h30 pour imprimer. Il y a une caméra sur l'imprimante. Tu vas sur Internet, sur un autre ordinateur, au travail ou peu importe, et tu vois le processus se passer. C'est le fun, hein? Un peu comme on a parlé tantôt du genre de cubicule, c'était pas vraiment un cubicule, c'était comme une boîte, si on veut, avec le cinéma maison et le lit sur le dessus. Ben ici, c'est vraiment plus littéralement un cubicule. C'est le Study Cube. Pour ceux qui ont de la misère à étudier, tu sais, il y a des gens qui peuvent étudier avec la musique ou la télé allumée, alors que d'autres ne peuvent pas, ne sont pas capables et doivent se concentrer sur ce qu'ils font devant eux. C'est pour ça que le Study Cube a été inventé. C'est un petit cubicule pour une seule personne. Ça ressemble étrangement une toilette publique. C'est construit en bois. Il y a un bureau et une chaise à l'intérieur à la place d'une toilette. Et c'est fait pour aider les gens à se concentrer lors de l'étude, se débarrasser du bruit, des distractions autour d'eux. Donc, l'idée est appréciable quand même. Le Study Cube qui est sorti en Corée du Sud il y a plus d'un an déjà, mais on commence à en entendre parler sur les blogs. 2,35 millions de won, 2 164 $ américains pour se procurer le Study Cube. Et finalement, vous avez de la difficulté, vous êtes tanné de tout le temps charger votre téléphone en ayant à trouver le fil, la petite plug qui va dans le mur, l'autre affaire qui branche après, puis après ça, mettre ton téléphone sur un socle pour qu'il tienne, pour que tu puisses voir l'heure. Nanana, trop compliqué. Donc, Pocket Plug, c'est un case, une coque de iPhone avec un chargeur intégré. Ah oui. Donc, c'est un petit peu plus gros, plus épais qu'une coque d'iPhone normale, évidemment, parce qu'il y a un chargeur à l'intérieur. Hein. Donc, vous mettez votre téléphone dans cette coque-là, ce petit case. Vous allez, un peu comme sur n'importe quel gadget, sortir les petites pattes d'électricité, les petites pattes de métal qui sont, qui sont tout le temps rabattes. Voyons, c'est quoi le mot? Sont dedans. Bref. Vous branchez dans une prise de courant et votre téléphone va charger super bien. Comme toujours, c'est beaucoup plus simple pour certains. Donc, Pocket Plug disponible pour iPhone 4 et 4S et l'iPhone 5 pour 60 $ et 70 $ américains. C'est pour le modèle pour l'iPhone 5. 70 alors que l'autre, c'est 60. 10$ de plus, c'est pas si pire. Et donc, les deux petites brochettes de métal. Jean-Philippe, comment t'appelles ça, les deux petites brochettes de métal qui sortent du courant? C'est rabattable? Rabattable. Rabattable. Ça se dit, c'est rabattable? Ouais. Merci d'arriver pour le dernier. C'est fini. Donc voilà pour ça, ça de deux réponses là. La chronique des gadgets complètement ridicules. Ou camouflables. Camouflables, oui. Ninjotables. Oui, ninjotables. Ninja. Ouais. Voilà. C'est tout pour cette chronique-là. Oh, ouais. J'ai raté mon coup. C'est pas grave. On retourne en musique à entendre une pièce de San Cisco, Awkward. Après ça, on revient avec le quiz Écoutons la donne, la chanson. D'accord. C'est bon aussi. Assemblage requis, sur Sifu. Awkward de San Cisco. Yeah. Et non, San Francisco. Non. San Costco. San Costco. San Francisco Mayo. Oui. Costco hot dog à mayonnaise. Oui. Fait que tous les liens sont possibles. Tout est là. C'est tout pas ça. Non, c'est awkward. Tiens, parlant de malaise, awkward, oui. C'est le moment du quiz. Écoutons la chanson. Écoutons la don la chanson, c'est le quiz d'assemblage requis où je choisis trois pièces au hasard. Oui. Et je fais deviner à Jean-Philippe le sujet qui les rabat. Le lien entre elles. Le lien qui les rabat. Ben en fait, c'est le lien de Mathieu qui les relie entre elles. C'est ça. Parce qu'il peut avoir plusieurs liens. On dirait que t'as une marionnette dans la main quand tu fais ça avec ta main. On dirait que tu fais parler une marionnette. Oui, ben c'est ça, j'ai un problème. C'est un tic. C'est un tourette. Mais à la place d'être la tourette, c'est de la marionnette. Oui. C'est ça. Donc, je vais te faire entendre plus tard une pièce de Malajub. Oui. Et une pièce d'Émilie Proulx. OK. Mais avant ça, on va débuter avec une pièce de Radio Radio. OK. Voici leur extrait à Radio au carré. À Assemblage Requis. C'est la radio, la yo, radio, yo, la radio, hein? Quoi? Yo, yo, c'est la radio carré, carré, ma explicite, le poste 26, venez visiter une minute. C'est la radio, la radio, la radio, la radio, la radio, la radio, la radio, la radio, la radio, la radio, la radio, la radio, la radio, la radio, la radio, la radio, la radio, la radio, la radio, la on est la radio carré, carré, ma explicite. Le poste 26, venez visiter une minute. Radio carré, carré, ma explicite. Le poste 26, venez visiter une minute. Vous emmenez vous, vous emmenez vous. Si tout le monde vient, ça va être way plus fou. On arrive super fresh avec un nouveau modeling. Des phrases qui s'expriment avec un dialecte. Anti-vie, la Bible, le livre qui sert à rien. Sauf tenir ma table, casse la place est rendue penchée. So entrez, on est toutes bienvenues. Les Jehovah Witness, au déjà tout venu. La prochaine Halloween, on va fêter chez eux. Knock, knock, kick it low, t'aimes pas de la compagnie. Best, alright, je viens back après-midi. Yo, vous emmenez-vous, vous emmenez-vous. Si tout le monde vient, le party va être plus gros. On est back dans la game, j'ai un portrait dans la frame. Le bon temps, on l'a passé à une mal classée. Comme de l'Acadie rap, où la zing zing, une chanson sans mélodie. Au deux jeux tout pris dans la capitale. Check ma map du vieux temps, c'est un sud catalogue. Puis on a resté là, so on passe all in pour les critiques. Merci pour le feedback, t'as raison dans ton cul-sac. Deren, deren, deren. Whipla! Qu'il faut que t'écrives comme ça, c'est qu'il faut que t'écrives comme ça. Écrive tout ce que tu veux, nah, ça me tente pas. Super fresh lingo, on ferme les bingo. Comme la cuisine de ta grand-mère, on bake tout le temps. Trop de poils sur le chest, on est la Harry situation. Air tes oreilles, change la radio station. J'me shave le sac, j'me shave les balles. J'ai de la ligne de brain nanny comme les kids dans la hall. Pas hallway pass, man, j'suis tout le temps late. Tool nurse, ta minute, pis ça compensate. J'suis le king de hall. Recess, j'suis late, faut j'call Mary Jane. J'ai dinner date. L'après-midi va passer, moi je reste fessé. Pas été à la même école, tu sais qu'on va te schooler. Chaque opus c'est mal et donc check, c'est la nouvelle flow. Plus d'école, plus de show, tu l'entends la radio. Formule au carré, radio carré. La carré m'a explicite, yo. Check, c'est la radio carré, carré m'a explicite. Le poste 26, venez visiter une minute. Radio carré, carré m'a explicite. Le poste 26, venez visiter une minute. Radio carré, carré m'a explicite. Le poste 26, venez. Vous emmenez-vous, vous emmenez-vous. A show on time et OT est un near you. Vous avez vu le preview, lorsque rencontrer les fous. C'est la back to the future quand cette musique joue. C'est la radio carré sur une planète ronde. Respirez le monde entier, puis j'expire des bombes. Boom, chocolat, puis tu call ta mail. L'after party va être hype, passez notre carrière. The planet in time, jusqu'à le monde s'envole. Une bande de hot hair alone, puis une troupe de folle. La paix en joie, le monde qui boit. Le village acadien du Hollywood, cause tu crois. Je connais pas un acadien qui watch pas la TV. Je connais pas d'indien qui vivent dans des tipis. Je suis parmi vous, à vivre une vie de fou. Je watch votre live at 5, pensez ça que tu. Vous emmenez-vous, vous emmenez-vous. Le party c'était fini, on avait un autre chez nous. Vous emmenez-vous, vous emmenez-vous. Le party c'était fini, on avait un autre chez nous. Vous emmenez-vous, vous emmenez-vous. Le party c'était fini, on avait un autre chez nous. J'ai dit vous emmenez-vous. trois semaines, on est la loose catch. Mon est comme man, comment vous faites ça? Nous autres, on est comme man, comment qu'on fait quoi? Des parties 15 minutes, bon, la jacuzzi, la grosse bombe, text fight comme kamikaze. Écoute nos textes, on cache nos ressources. Écoute nos textes, on cache nos ressources. Nouvelle mélodie, tête dure, pas de mine. Des artistes dans le lit, notre style est full pin. Que tu me feras pas ça. Là. Tu me feras pas ça. Okay, je vais l'arrêter, je vais la laisser charger. C'est, j'aime pas ça quand ça fait ça. Ça, c'est Internet. Oui, ouais. Ça, c'est plate. On est à l'université, ils ont des connexions de fous alliés. Alliés. Mais bon. Alliés qui? Alliés savoir. Pourquoi ça fait ça? on continue. Désolé. C'était le quiz Écoutons la don, la chanson. On vient entendre trois pièces. Et évidemment, Jean-Philippe va nous les dire et va essayer de comprendre le sujet derrière tout ça. Oui, bien, tout d'abord, on a écouté Radio Radio avec Radio au carré. Après ça, c'était Émilie Proulx avec le temps, le calme du temps qui s'arrête. Et finalement, Malajub qu'on vient tout juste d'entendre avec Radiologie. C'est difficile, hein? Je t'avoue que je t'ai posé une grosse colle ici. Ben, écoute, comme ça, à première vue, à froid, même si j'ai chaud, ça, moi, j'ai le mot radio qui est récurrent. Ah, j'avais pas marqué. Ça, oui, déjà là. C'est une théorie quand même. Oui, possible. De mémoire, Émilie Proulx parle de... commence, il me semble, dans les deux, trois premières phrases, couplet. Elle parle de console, de radio. Ça se peut. Oui, j'ai été très attentif sur celle-là, puisque c'est celle que je connaissais pas. Après ça, radio, radio, avec radio au carré. Bon, le lien est assez facile à faire. Il y a comme trois fois le mot, là, radio. Juste dans le titre. Puis j'avoue. Ouais. Puis radiologie, là, Malajub, j'ai pas réussi à saisir. Ils doivent le dire, par exemple, dans le... dans le refrain. Fait que moi, c'est le lien que je te dis. Tu dirais radio, hein? Ouais. Ben, ça a du sens. Pour une fois, d'habitude, je te dirais, t'es vraiment dans le champ où, ouais. Des gens, tu me trouves vraiment pas original. J'avoue que t'as une petite piste. Non, en fait, c'est les formes. Parce que radio, radio, au carré, évidemment, carré. Émilie Proulx, le calme du temps qui s'arrête, un arrêt, stop, évidemment, c'est en forme. Ah oui. Et radiologie, ben, c'est quoi autre que rectangulaire? Hein? Ah, voilà. Une radiologie chez le docteur. Fait que c'est clairement les formes. Mais là-dessus, je mets mon droit de veto pour dire qu'un arrêt, c'est un octogone. Oui, ben, c'est une forme, un octogone chose. Hein? Ah, est-ce que je peux prendre mon veto back, s'il te oui, plaît? Je te back le veto. T'as le droit de me faire un miroir, puis un ricochet. C'est une forme, un octogone. Voilà, t'as raison. C'est en forme d'octo. Je me replie. Voilà. Comme un octogone. Oui, comme un origami. Merci. Un origami. Merci ouais, d'avoir compris mes signes de doigts. Qui c'est bon. C'était tout sauf clair. Tantôt, oui. C'est une marionnette. Et là, ça, c'est de l'origami. C'est une marionnette qui joue l'origami. Exactement. Voilà pour Assemblage Requis. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30 en direct à 7h30. Demain, à l'émission, on aura David Ferron et sa chronique La langue dans ton oreille. Il va nous parler de musique francophone. François Landry va être là pour Logocratie 101, sa chronique politique. Et finalement, Joanie Gagnon et son compte-rendu des choses à faire dans Alors on sort. Oui. Donc, merci à nos chroniqueurs d'aujourd'hui. Oui. Lily Brunet. Oui. Stéphanie Paradis. Oui. Oui. Et Colin Ingrid Arneberg. Et voilà. Angry Birds elle-même. Angry Birds. ouais, c'est drôle, mais... Oui, merci ouais. Mathieu de m'endurer, même si je fais des allers-retours toutes. Hey, c'est pas grave, on va peut-être déménager, man. Ouais. Man, on va être dans nos nouveaux bureaux à partir, dans le fond, d'aujourd'hui. Oui, exactement. Il reste encore du stock dans les anciens bureaux, mais on est à côté de la chasse-galerie, littéralement à droite. Avant, le studio est à gauche. Ouais. Et nos bureaux étaient au fond, à côté du 10-12. Maintenant, nos bureaux sont juste à côté du studio. Exactement. À notre gauche, votre droite. Dépendant. Bref, pas la porte de la chasse-galerie, mais l'autre à côté. On vous fera un dessin. Ouais, exactement. Vous êtes ici. Ici, c'est Fou Radio. À demain, man. Bye.